L'écureuil a glissé de sa voix familière. L'été cassé s'en va sans fermer sa maison. Indécents nous restons, les eaux de la rivière se chargent des pensées que tout bas nous taisons. Il te faut supporter les couleurs de l'automne, leur vaine crudité dans les champs des corbeaux. Ce dandine en vain n'appelle plus personne. Ton ombre t'a quitté pour des pays plus beaux. On chuchote dehors. On voudrait que tu sortes. Qui donc as-tu chargé de venir te chercher? Cet ami trop pressé qui tâtonne à ta porte, c'est l'hiver. Désolé, autant rester couché. Césium 135, Wild Lady, farines alimentaires humaines. Désolé mon gars, les choses ne marchent plus comme ça. L'âme coagule dans un bruit de frontière. Mais Jolly Rogers is back. Une autre fois, dans un autre temps, un autre lieu, ceux qui vivent une autre fois vivront, une autre fois seront. Attaqués par l'extérieur, ceinturer les territoires, ne jamais se laisser affondre sur les métropoles. Un monde peut disparaître sans prévenir, attente violente. Mourir et puis revivre. Une autre fois il en sera ainsi, une autre fois dans un autre temps, un autre lieu. Ceux qui vivent, une autre fois vivront, une autre fois seront. je partirai pour le Mexique un soir. L'action directe sans bon port ni spéculation. L'attaque qui sonne et démonte la mission. Et puis c'est fini. Aucun homme n'est jamais né une selle des rênes sur le dos. Aucun autre avec des bottes et des éperons pour le monter. Jolly Rogers is back. Jolly Rogers is back. Hombre, regarde la terre crénelée l'océan. C'est sûr, il existe des solutions. Je partirai pour le Mexique un soir. Ne jamais se laisser aller fondre sur les métropoles. Sans quoi l'humanité devient le plus grand des faux problèmes. L'action directe sombre au bord des spéculations. L'attaque sonne et démonte l'intuition. Jolly Rogers. Pierre précieuse, écaille de crocodile et la face de l'homme. À quoi mène le vent, dit l'autre. Un monde peut disparaître sans prévenir. Mourir et puis revivre. Jolly Rogers is back. Jolly Rogers is back. Jolly Rogers is back. Jolly Rogers is back. Désolé mon gars, les choses ne marchent plus comme ça. Aucun homme n'est jamais né une selle et des rênes sur le dos. Et aucun autre avec des bottes et des éperons pour le monter. Soir, un soir. Je partirai pour le Mexique un soir. Jolly. Césium 135. White Lady. Back. Farines alimentaires humaines. Désolé mon gars, les choses ne marchent plus comme ça. Un membre peut disparaître sans prévenir. Attente violente, mourir et puis revivre. Une autre fois il en sera ainsi. Une autre fois, dans un autre temps. Dans un autre temps, un autre Dieu. Ceux qui vivent, une autre fois vivront, une autre fois seront. Johnny Rogers is back. Gotta leave the state. plates. Gotta hit the streets. Gotta get our way. Gotta roll it out. I'm going back to my neighborhood. Going back cause I know I should. Un crocodile âgé nommé Roger a beaucoup de peine à nager dans mon verger. Hardi l'alligator pourtant ce caïman, qui dit maman quand on y touche, y a qu'à l'embrasser sur la bouche. Thank you.

said, help me stay afloat and get back to Hawaii. Hawaii. All the paintings and the sketches lay scattered on the sand, and the condominium was close at hand. Things were getting hard to follow. I was feeling pretty hollow when the stranger came to me and put out his hand. He said, I think we better talk. There's something you don't understand about Hawaii. Hawaii. With my baby and my bicycle, I up and rode away. And many nights have passed since that morning came my way. And I think about him often, with his vitamins and kids. Does he sleep with half a woman on his mind? Well, the other half just got left behind in Hawaii. Hawaii. Give me remember the Alamo when help was on the way. It's better here and now. I feel that good today. I like to take a walk, but not around the block. I really got some news. I met a man from Mars. He picked up all my guitars and played me traveling songs. And when we got on ship, he brought out something for the trip. He said it's old, but it's good. Like any other. Again. I'm gonna ride a good in my old neighborhood. My old neighborhood. My old neighborhood. My old neighborhood. My old neighborhood. a kid and we split apart. And I'm living on the road. And a little cocaine goes a long, long way to ease that different load. But that ain't all that I know. I wish I was an Aztec or a runner in Peru. I would build such beautiful buildings to house a chosen few, like an Inca from Peru. Thank you. I got lost on the human highway. Take my head, refreshing fountain. Take my eyes from what they've seen. Take my head and change my mind. How could people get so unkind? Oh, now. I come down from the crooked mansion. I married the DJ's daughter. Since that day, I've heard it mentioned that my name is on the line. Now my name is on the line. Gotta change the vocal mic to the piano. I'm playing that old country waltz in this empty hall, bouncing off the wall. Ain't got no excuses, I just wanna play that good old country waltz. Well, I love and I lost and I cried the day that the two of us died. Ain't got no I just wanna ride. Well, the band plays the old country waltz. This old music has kept me on top. When you're down, it's a hard thing. I just wanna play that good old country war, and I'm playing it that old country war. I just wanna play.